Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Cette semaine, on vous présente des fonctions qu'un amateur devrait connaître sur son appareil photo. On vous donne des trucs pour acheter un appareil photo usagé. Et on fait la critique du Sony DSC-H300. Bienvenue à Objectif numérique, épisode 56. Stéphane Vaillancourt au micro, en compagnie de François Blanchette. Salut. Et Christian Jarry. Salut. Et on va lancer tout de suite le 15e défi photo. Et le thème de ce défi photo sera la nourriture. Là, c'est le temps de prendre une photo de votre repas avec Instagram et de nous l'envoyer. Ou tout simplement quelques fruits, légumes, n'importe quoi. Oui. À n'importe quelle forme d'ailleurs. Ça peut être avant qu'on aille chercher comme du blé d'Inde ou des choses comme ça. C'est comme vous voulez. Parfait, donc, et voilà, et pour ce défi photo, Blurb nous offre un certificat cadeau de 75$ canadiens ou 50€. Et messieurs, qu'avez-vous fait récemment côté photo? Christian, toi? Rien. Non, vraiment, ça fait comme quelques week-ends que je suis pris à refaire mon cabanon, mais j'ai pris des photos du travail du cabanon. C'est à peu près tout ce que j'ai fait en tant que photo. Sous tous ses angles, selon tous les éclairages. Même pas, non. Juste pour dire, tu sais, j'ai fait le toit, j'ai pris une photo. Tu sais, c'était comme pour documenter un peu nos affaires, mais honnêtement, c'est tout ce que j'ai eu le temps de faire. Parfait. François, toi? Moi, samedi, j'ai eu l'occasion de travailler sur un combat de boxe professionnel, un match de ceinture. Pour ceux qui le connaissent, c'est Adonis Stevenson qui combattait. Oui, j'étais là. Et puis, ma journée de travail s'est terminée avant la fin du match. Donc, je me suis amusé à aller me faire des petites photos, un bord puis de l'autre, comme ça. Puis, j'ai trouvé un bel endroit pour faire une photo directement en ligne avec le ring au niveau du sol. Mm-hmm. C'est ça. J'ai pris une photo Instagram que j'ai juste un petit peu travaillée. Puis voilà, aller sur le site. Parfait. Et puis de mon côté, moi récemment, il y a quelques semaines, j'ai photographié la remise des prix du gala Choc 2014. Ah oui! Et oui, Choc, qui est la radio de l'Université du Québec à Montréal. On a-tu gagné quelque chose? Et non, mais on était en nomination, mais malheureusement, c'est pas nous qui avons gagné. Ah. Ce n'est que partie remise pour l'année prochaine. Oui. Mais non, je tiens à remercier les organisateurs et les responsables qui nous ont mis en nomination. C'est très apprécié. Et puis, on poursuit notre entente avec Choc, qui diffuse nos épisodes tous les samedis à midi, heure de Montréal. On va passer à des petites nouvelles maintenant. Christian, t'en avais une un petit peu amusante. Moi, en tout cas, ça m'a bien fait rire. Vous savez, on parle souvent des brevets et comment que les brevets, c'est pas toujours la chose la plus logique, disons. Je pense que c'est la meilleure façon que je pourrais utiliser ce mot. Je sais pas, probablement que beaucoup d'entre vous ont entendu parler du fameux brevet que Amazon a eu récemment, ce qui est à dire un brevet sur la photo d'un sujet sur fond blanc. Oui. Mais attends, ça ne se limitait pas à ça. Non, quand non, même, non, non, là. Mais c'est de la façon qu'on peut le décrire le plus rapidement possible. Mais c'est une technique qui date des débuts de la photographie, là, qui est quand même relativement assez complexe, là, vous allez comprendre. On allume des projecteurs situés derrière la caméra. On allume des projecteurs situés devant la caméra. On positionne le sujet sur une plateforme surélevée et on prend une photo. c'est comme combien qu'il y a de millions de photos qui ont été prises avec ça et ils ont un brevet. Ouais. Ils ont obtenu le brevet. C'est assez étonnant parce que les studios photo, genre Walmart, Sears et compagnie, font ça depuis des années, des décennies. Exact. Ouais. Puis ce qui est encore plus pathétique, c'est qu'ils sont même allés jusqu'à définir le type d'objectif, un 85 mm, l'ouverture à 5.6 et la valeur ISO à 320. OK. Là, c'est comme, vous êtes un peu trop spécifique, mais de toute façon... Mais un brevet, ça se doit d'être spécifique. Oui, je sais, mais je rassure tout le monde parce qu'il n'y a aucun appareil photo qui fait du 320 ISO. Fait que vous pouvez prendre toutes les photos que vous voulez selon ça. C'est pas un problème. Ben, il y a des appareils, on peut aller à un tiers de stop. C'est pas nécessairement 200, 400, mais c'est pas... Mais je pense pas que 320, ouais. Ben, en tout cas, sur Mais anyways, même si c'était le cas, là, c'est juste ridicule. Ouais, ouais, ouais. Ben, absolument. Enfin. Et... Vas-y, Stéphane. Stéphane, il n'est pas sûr. Là. Stéphane, ouais. Il prend son appareil photo et il vérifie 320. Je suis assez sûr de ne pas avoir vu ça. Ben, en vidéo, moi, je peux faire ça, du 320 ISO avec... Et voilà, ben, il est contredit. Bravo. Ben, c'est correct. Mais c'est correct. Vous avez juste à le prendre à 200 ou à 400, puis vous allez être correct. Et voilà. vous ne transgressez pas les règles de ce brevet. Oui, oui. Ouais, le brevet, entre guillemets. Enfin, puis je sais pas combien ça leur a coûté. Un brevet, c'est minimum 5 à 7 000 $ là, je présume. En tout cas. D'après moi, il y avait beaucoup d'argent à perdre. Ouais, c'est bizarre. Enfin. Je comprends pas la logique derrière ça. Toi, François, tu avais aussi une nouvelle de ton côté. Samyang, vous savez, le fabricant d'objectifs, annonce 5 nouveaux objectifs pour le printemps 2014. Un fisheye, 2 objectifs super grand angulaire pour la vidéo. Un objectif miroir pour des appareils réflexes APS-C et une nouvelle version AE d'un best-seller pour capteurs 24x36 et APS-C. Donc, rapidement, le premier, c'est un objectif de 300 mm avec une ouverture de 6.3. C'est assez léger, 260-285 grammes à peu près. Mm-hmm. C'est pas un clone du Kenko Tokina Reflex 300 mm 6.3 pour ceux qui le connaissent. Parce qu'il n'y a pas le même nombre de lentilles à l'intérieur. C'est pas le même que le Kenko Tokina. Okay. Il y a aussi... puis ça, celui-là va se vendre 269 $. Je l'ai vu sur B&H. En passant, tous les objectifs que je vous parle sont sur B&H en précommande. En précommande, okay. Oui, c'est ça. Mais les prix sont annoncés. Il y a aussi le 35 mm 1.4 qui sort dans une version avec puce, donc pour les appareils Canon. Donc, il est contrôlable par l'appareil. Ça, c'est super parce que l'ouverture, l'autofocus va fonctionner. Mm-hmm. Le prix, 599 $ pour cet objectif. On a aussi 2 autres objectifs grand angulaire de 10 et 12 mm. Donc, on pourrait dire que c'est super grand angulaire mm-hmm. dans le cas de ces deux objectifs-là. Ils sont équipés, eux, c'est pour le cinéma ou pour le vidéo parce qu'ils ont des crantages. C'est-à-dire autour des objectifs, des bagues, c'est le crantage, c'est, je ne sais pas comment le dire autrement, mais c'est pour mettre un follow focus là-dessus. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi un follow focus. Mm-hmm. Bon, c'est le truc qui permet de contrôler la bague à distance, pas directement sur la bague, mais avec, avec des petits engrenages. Donc, on peut setter son follow focus directement sur les objectifs. Ils sont déjà fabriqués pour ça. L'ouverture, évidemment, c'est une ouverture en douceur. C'est pas avec des stops, clic, clic, clic. Ouais, OK. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle ciné, cet objectif-là. Donc, ces deux objectifs-là sont à 529 pour le 10 mm. Et curieusement, si vous avez pour la version Nikon, c'est 549. OK. Alors que c'est 529 pour tous les autres formats. micro 4 tiers, APS-C, c'est toute la même chose. La version 12 mm, elle, est à 399 $. C'est quand même une bonne différence. Mm-hmm. Ben oui. Ouais. Et la dernière, c'est un fisheye ciné de 7.5 mm avec un angle de vue de 180 degrés. Wow. Donc, c'est quand même assez large. Mm-hmm. Et puis, la mise au point minimale est de seulement 9 cm. OK. 379 $ dans le cas de celui-là. Parfait. Merci bien. De mon côté, vous en avez sûrement entendu parler. Il y a Apple qui a mis la main sur l'expert photo de chez Nokia. Mm-hmm. Maintenant que Nokia a été acheté par Microsoft pour la modique somme de 7 milliards de dollars. Juste ça. C'est assez incroyable. Ouais. Mais bon, alors voilà, il a décidé d'aller relever de nouveaux défis du côté d'Apple. On se demande ce qu'il va bien pouvoir faire là-bas. Un expert en photo chez Apple pour le nouvel... probablement pas pour l'iPhone 6 qui sort cet automne. C'est non, trop tôt. C'est trop vite. Ouais. Parce que c'est ça, ils sont déjà soit en pré-production ou peu importe, mais on peut penser au 6S probablement. Donc, à l'automne 2015, quelque chose comme ça. C'est à surveiller parce que c'est lui, évidemment, qui est à la base du capteur PureView de 41 mégapixels du Lumia 1020, entre autres. Mm-hmm. Donc, à suivre. Christian, maintenant, toi, tu as des trucs, en fait, des fonctions qu'un amateur devrait connaître sur son appareil photo. Bon, on dit un amateur, mais en fait, débutant nécessairement, mais on parle de quelqu'un qui en serait à son premier ou à la limite à son deuxième appareil réflexe et qui n'aurait pas exploré le boîtier entièrement. Oui, ou même juste un petit rappel sur certaines des fonctions qui, ça peut paraître banal, mais il y en a certaines que je suis sûr que vous utilisez moins ou que vous connaissez moins, tout simplement. Évidemment, malheureusement, je le dis d'avance, c'est surtout fait pour un appareil Canon, mais il y a toujours les équivalences. Moi, je dis avec ce que j'utilise, malheureusement, mais comme je dis, les équivalences pour Nikon, pour Sony, etc., existent tous. Il y a, entre autres, à l'avant de l'appareil, le bouton qu'on appelle le bouton de profondeur de champ, qui peut être très utile. Ça vous donne une petite idée un peu de qu'est-ce que ça va donner en live view, la photo que vous essayez de prendre, qu'est-ce qu'elle va donner avec la profondeur de champ, etc. Donc, ça peut être intéressant. J'avoue que c'est pas quelque chose, je sais pas pour vous, que j'utilise nécessairement tant que ça, mais ça est arrivé à l'occasion de l'utiliser. Ben, en fait, ça s'applique surtout aux viseurs optiques, parce que quand tu as un viseur électronique, oui, c'est vrai, on sait maintenant, toi, c'est plus quelque chose que tu utilises. Mais... C'est ça, toi, t'es de la vieille garde. Je sais. Non, mais il y a encore beaucoup d'appareils qui ont un viseur optique. Ben, tout ce qui est Canon, tout ce qui est Nikon, il y en a. Ben, remarque, non, Nikon, ils ont aussi, mais quand même. Mettons que la grosse majorité, c'est ça. C'est ça, la plupart des réflexes ont encore un viseur optique, donc parce qu'ils ont encore un miroir, tout simplement. Exact. Un autre bouton, ben. Encore une fois, ça peut paraître banal, mais même moi, c'est quelque chose que des fois, je peux oublier. Le bouton qui te permet de décider le mode focus sur ton objectif. Je vais vous donner un exemple pourquoi ça m'a rappelé ça. C'est, il n'y a pas longtemps, quand je prenais des photos pour le blog de Best Buy, où est-ce que j'ai fait mes photos à plusieurs expositions, j'avais oublié d'enlever l'autofocus. Tu sais, j'avais oublié d'enlever la... la stabilisation d'image, puis ça aussi, ça peut causer des problèmes. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qu'il faut se rappeler qu'on a aussi des fois. Oui, je suis quelqu'un qui privilégie plus l'autofocus, mais des fois, c'est pas mauvais de le mettre en focus manuel. C'est bon, ça pratique, ça peut aussi avoir un petit peu, particulièrement quand un appareil qui a une grande ouverture, on peut jouer un peu plus facilement avec qu'est-ce qu'on veut si on y va avec le focus manuel. Fait que ça peut être très intéressant. J'ai déjà donné un punch pour mon prochain qui était le stabilisateur d'image. Même chose. Même si c'est quelque chose qui est très utilisé, qui est très pratique, il peut arriver des situations comme lorsqu'on utilise un trépied où qu'on doit le désactiver si on veut avoir une meilleure image. Oui, absolument. Puis, je le croyais pas, je dois dire. Je suis le premier qui était sceptique. Ça fait un certain bout de temps que je le savais, mais je l'avais juste oublié. Mais les premières fois que je l'ai essayé, je me suis dit, ça fait pas de sens. Comment que ça peut être? Non, la petite vibration est assez pour faire que ta photo est pas tout à fait aussi claire quand tu le laisses activer. À l'arrière de l'appareil, il y a le bouton. Encore là, ça dépend. Ça, c'est un bouton qui est plus utilisé pour les appareils moyens bas de gamme. C'est le bouton que vous avez sûrement déjà vu qui a un plus, un moins. C'est pour changer votre grosseur d'ouverture ou d'exposition. Ça passe de l'un à l'autre, ça switch de l'un à l'autre. OK. C'est quelque chose qui est utilisé. C'est parce que souvent, ils n'ont pas des molettes dédiées sur les appareils plus, comme je disais, plus entrée de gamme ou moyen gamme. Ils n'ont pas toujours les boutons dédiés. Alors, c'est ce bouton-là qu'on doit utiliser pour changer de l'un mode à un autre. Donc, on pourrait changer l'ouverture ou changer la compensation vitesse d'exposition. Ou c'est ça. OK, parfait. L'autre bouton, c'est AE Lock, utilisé pour barrer notre exposition. Ça nous donne un peu plus d'une idée comment on peut travailler avec la luminosité de notre photo. Ben ça, c'est très pratique justement si tu fais une photo, je sais pas moi, à contre-jour, des trucs du genre, tu vas verrouiller ton exposition, ta lecture de lumière, puis après tu peux recomposer comme tu veux. En tout cas, je m'en sers. Un exemple que je pourrais donner, c'est quand on fait une photo en panorama, puis il y a le soleil dans une des photos. Oui. Tu sais, quand on prend plusieurs photos, puis qu'on fait un petit pan, ben, s'il y a le soleil dans la première shot, puis il n'est vraiment pas là dans la dernière shot, vous pouvez être sûr que la caméra va recalculer à chaque fois. Ouais. en verrouillant ça, ben, tu t'assures que ton stitch, que ton que, quand tu vas recomposer toutes les photos ensemble, que tu auras un panorama parfait. C'est exact. Vrai. Et le dernier, ben encore une fois, c'est un simple, mais il y en a certaines personnes qui l'oublient. C'est pour le flash, pour ressortir de flash. C'est arrivé des fois où ce que bon, t'as besoin du flash qui est à l'intérieur de ton appareil, ben tu dois le sortir quand c'est le temps. Sinon, ben le délai peut causer des petits problèmes, des choses. Ça peut être intéressant de l'avoir déjà sorti, puis comme on en a déjà parlé, pour faire prendre une feuille de papier puis le faire rebondir si ça nous tente, ou des choses comme ça, mais de l'avoir déjà planifié, sorti, ça peut être intéressant aussi. Oui, parce que sinon, pour qu'il sorte automatiquement, on doit se placer en mode automatique. C'est pas ce qu'on veut nécessairement. Et voilà, et voilà. C'est pas mal ça. C'est comme je disais, c'est quelques petits boutons comme ci, comme ça, qui peuvent être utiles là, de se rappeler puis de repenser qu'on a. Mm-hmm. Excellent. François, de ton côté, des petits trucs pour l'achat d'un réflexe usagé? Oui, parce que y a des gens qui envisagent d'acheter des appareils usagés. Mm-hmm. Dans la vie, c'est cher. Je l'ai fait souvent. Ben ouais, bon. L'obsolescence programmée, ça vous dit quelque chose? Oui. Bon, il y a plusieurs aspects à ça. Ça peut être pour une raison esthétique, ça peut être pour une raison du manufacturier qui décide que ton appareil va durer seulement tant d'années, mm-hmm. X années. Bon, ben ceux qui sont prêts à acheter usagés, ben, souvent, c'est le désir du nouveau. Hein, Steph? Ah, je ne sais pas de quoi c'est ça parles. Qui motive. Grâce à cela, ben, le marché va être inondé d'options intéressantes pour l'acheteur averti. Je vous donne quelques trucs pour vous aider à trouver une bonne affaire. Première chose que vous devriez faire, c'est vérifier le nombre de déclenchements que l'appareil a. Oui, ça peut se faire. Pour la plupart des DSLR, si c'est pas tous, là, j'ai pas fait de test là-dessus. Mm-hmm. Il y a des petits logiciels qui se vendent sur... ben c'est ça. Tout, on peut le vérifier. Tous les DSLR ont un nombre déterminé de déclenchements avant de devoir remplacer le déclencheur. Les manufacturiers l'indiquent pour chaque modèle. Par exemple, avec une petite recherche Google, on pourrait avoir le nombre en main pour tel appareil. Disons un 7D ou un 60... 150 000, si ma mémoire est bonne, le bon. 7D. Fait qu'ils ont chacun leur chiffre qui est dit par le manufacturier. Et encore, faut-il bien spécifier que c'est 150 000, mais ça ne veut pas dire qu'à 150 000 et une photo, non. Il va briser. Il peut briser. C'est qu'il y a plus de chances de briser après 150 000. C'est ça. Oui, mais mon 60D, moi, avait brisé après comme 400 déclenchements. Oui, mais ben lui, il avait une ouais, défectuosité évidente. C'est là. Ça. Ouais. Mais normalement... C'est calculé pour être autour de ça, mais ça pourrait être 110 000 ou ça pourrait être 195 000 ouais, aussi. C'est donc, absolument. C'est comme mais un déjà, moteur de voiture. On s'entend qu'à 110 000 déclenchements, c'est rare qu'on va se rendre là. Là. Ben, regardez, moi, j'ai fait le calcul. Je l'ai acheté, le petit programme pour mon appareil photo, puis j'avais 38 ou 39 000 photos dessus, mm-hmm. Ce qui est énorme. Pensez-y deux minutes. Là, puis ça fait même pas trois ans que je l'ai. Là, fait que c'est énorme. Mais pour te rendre à 150 000, il va falloir que ça fasse 12 ans. Voilà. Il y a seulement les professionnels qui se rendent là dans le temps de la vie, ben, pas vie utile, mais enfin, dans le temps moyen de... L'utilisation d'un appareil photo. Sur 10 ans, là, c'est beaucoup de photos par... oui, absolument. On s'entend qu'on a en masse le temps, là. Mm. Ben, 15 000 par année. Mm. Énorme. Pour savoir, donc, si vous êtes devant le vendeur puis vous voulez savoir le nombre de déclenchements que l'appareil a, ben vous lui demandez carrément. Sinon, il y a plusieurs façons de le savoir. Puis, comme tu disais, Christian... Il y a un logiciel qui peut. Il y a des logiciels qui existent. Sur Canon, par exemple, c'est EOS Info qui va vous donner le nombre de déclenchements que l'appareil a eu. Pour Nikon et Pentax, il y a un site web qui existe qui s'appelle myshuttercount.com. Vous allez juste simplement téléverser une photo. Puis avec l'exif sur la photo, le site va pouvoir vous dire il est rendu à combien. Malheureusement, ça n'existe pas pour tous. Ça existe pour Nikon et Pentax. Une autre façon de le savoir aussi, ce n'est pas la meilleure façon, par exemple, c'est regarder ils sont rendus à combien de chiffres, les photos. Tu sais, c'est quoi la numérotation de la dernière photo que vous avez prise? Mm-hmm. C'est pas excellent parce que, bon, l'appareil, un, peut avoir fait le tour du compteur mm-hmm. ou avoir été remis carrément à zéro. Là, oui. Tu sais. Absolument. Autre chose qu'il faut vérifier, c'est le son du miroir quand il se déclenche. Si ça grince, ça coince ou ça fait un petit bruit inhabituel qu'un déclencheur fait normalement, ben ça se peut qu'il y a besoin d'un nettoyage ou même d'un service de réparation. Fait que ça, c'est quelque chose à vérifier. Puis c'est pas nécessairement si cher que ça qu'on pense un service de réparation. Ça peut valoir la peine dépendant du prix de l'appareil. Ah, super. Si, on parle de 200-300$, mais sur un appareil qui vaut normalement, moi je sais pas, 2000-3000$, ça peut être quelque chose d'intéressant si tu arrives à faire descendre un petit peu le prix ou des choses comme ça. Ouais. Ça se négocie des choses. C'est ça, tu peux dire, ben écoute, le déclencheur, d'après moi, il va falloir le faire réparer. Es-tu prêt à baisser de peut-être 200$ pour couvrir le coût de la réparation? Absolument. Tout à fait. Puis, le vendeur. D'ailleurs, tout ce que je vais vous énumérer, c'est des cas à négociation. Là, voilà. Du côté du capteur, ce qu'on peut vérifier pour savoir s'il y a un problème avec, c'est de prendre une photo sur un objet très clair. Là, je parle le ciel, par exemple, ou n'importe quoi qui est très brillant. Et uni. Et uni, exactement. Régler l'ouverture à f22, si l'appareil le fait, évidemment, ou à l'ouverture la plus petite possible. Mm-hmm. Oui, l'objectif, oui. Ensuite, regardez la photo résultante sur un écran à 100%. Ça va vous permettre de voir si c'est de la poussière ou d'autres débris. Mm-hmm. Vous allez vraiment bien le voir. On pourra même voir des pixels morts avec cette méthode, si jamais il y en a. Faites le même exercice avec une photo complètement noire. Même chose, vous allez prendre un fond complètement noir ou carrément mettre le couvercle sur l'objectif. Puis faites une comparaison, ça se peut que vous retrouviez les mêmes problèmes d'une photo à l'autre. Tu avais déjà parlé aussi devant une source lumineuse. Ben c'est ça. Quand je... c'est même chose, oui. Exactement. Okay. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de blanc. Okay. Donc une lampe. Si le ciel, une lampe, ouais, c'est le ciel du Québec, vous aurez besoin d'une lampe. Mais... l'idée, c'est d'avoir une source lumineuse forte quand même. Parce qu'il faut se placer à F22. Donc, ça prend beaucoup de lumière. Il est aussi recommandé de vérifier le capteur directement en soulevant le miroir. Ça, il y a plusieurs façons de le faire. Dans les appareils, il y a carrément une fonction pour soulever le miroir des fois. Ou on peut se mettre en mode bulb aussi. Ça, c'est pour les photos à longue exposition qu'on contrôle nous-mêmes. Vous allez pouvoir observer le capteur, voir s'il est en bon état, premièrement. S'il y a des égratignures ou s'il y a des poussières. À l'œil nu, on peut le voir. Parfait. Souvent, quand on achète un appareil usagé, le vendeur va vous offrir aussi un objectif. Ça peut être le kit qui vient avec... l'appareil ou bien lui-même qui s'est équipé d'objectifs et qui décide de les vendre. Bien, ce que vous pouvez vérifier du côté des objectifs, c'est évidemment on enlève le couvercle et puis le couvercle arrière et on regarde physiquement les lentilles, qu'est-ce qu'on voit sur le dessus, s'il y a des égratignures, tout ça, ça peut faire partie de la négociation du prix, si ça nous va évidemment. Mm-hmm. S'il y a des gros scratchs, je vous garantis que ça va paraître à F22. Là. vous pouvez aussi amener, si vous avez un filtre avec vous, tu sais, un filtre UV ou un polarisant, amenez-le si vous avez déjà le diamètre de l'objectif, puis vissez-le dedans, voir si ça n'a pas été forcé. Les filets, c'est bon ça, j'avais jamais pensé à celle-là. Pas oui, bête. Comme ça aussi, c'est un document de négociation, mm-hmm. Puis ça donne un indice aussi s'il a été forcé. Donc, si le propriétaire y a fait attention. Exactement. Aussi. Exactement. Mm-hmm. Un autre problème connu des objectifs usagés, c'est la moisissure. Mm-hmm. Ça affecte la surface des lentilles, puis ça peut même devenir assez sérieux que ça ne serait pas carrément réparable. Un truc pour savoir si ça a été bien rangé, ben c'est en fait, vous ne pourrez pas le savoir. Le vendeur peut vous dire n'importe quoi, mais si il vous dit que ça a été rangé dans un sac pour une longue période de temps, où il n'y a pas vraiment eu d'air, ça n'a pas été au sec, disons dans le fond d'un sol, c'est humide là-dedans, c'est pas bon ça pour un objectif. Oui, mais... moi, je mets toujours les espèces de petites pochettes avec du silicone. Ah, ben ça, c'est un truc. Tu comprends, dans les boîtes à chaussures. C'est pas tout le monde qui le fait, ça. Non, c'est ça, mais moi, j'ai toujours ça dans mes sacs photos, donc je me dis que c'est mieux que rien. Aussi, inspecter l'extérieur de l'objectif, tout le tour là, du baril. Ça va vous donner un indice s'il a été échappé. Là, vous allez voir s'il y a des marques ou si vous jouez avec le zoom, est-ce que ça fonctionne doucement, est-ce que c'est difficile, y a-t-il un point où est-ce que c'est... oh, puis ça force un peu plus pour tourner. Puis on s'entend que des égratignures sur un objectif, c'est pas vraiment... c'est pas un indice comme quoi l'objectif est en bon ou en mauvais état, parce que ça peut arriver qu'on égratigne l'objectif. Si une bosse, ça peut donner... Non, une bosse, oui, mais je parle des gratignures, là, c'est superficiel, là, c'est comme n'importe peut-être, quoi. Peut-être, mais là. tout est une question de négociation. Ah oui, si... ça peut être négociable aussi, mais ça veut pas dire nécessairement que la personne n'a pas fait attention, parce qu'il peut arriver un tout petit accident égratigné avec un autre truc métallique. Absolument. Dernière chose à faire avec un objectif, pour vérifier, c'est vérifier l'autofocus. Faites le focus à différentes distances, juste pour voir si le moteur fonctionne bien. Fait son... L'ouverture aussi, Christian, ton objectif, toi, il n'ouvre plus aussi grand que... Je peux pas passer 4. C'est ça. Ah, ben c'est ça. C'est mon 24-70, puis il fait 2.8 et 4. Ben, puis maintenant, là, il est complètement mort. Là, mais je veux dire, pendant un bout de temps, il y a... Donc, t'avais faisait... seulement 2.8 et 4? Exact. Ben, ce qui n'était pas la fin du monde, parce que c'était à 2.8 que je l'utilisais la majorité du temps. Mais c'est juste que c'est un peu tannant, tu sais. Ben, pour savoir s'il fonctionne bien, vous pouvez regarder aussi au travers si vous voyez les... les blades. Les lames. Les lames, c'est ça, s'ils se placent bien à l'ouverture nécessaire. T'sais. Puis je vais même t'en rajouter un, si vous voulez, un petit conseil, parce que je l'ai vécu. Prenez l'objectif, tenez, si c'est un zoom, tenez-le vers le bas, et s'il descend tout seul, il est peut-être un petit peu trop... comment je pourrais dire? J'ai juste le beau mot québécois qui s'appelle lousse. Slack, mais c'est lousse, exactement. Il manque de résistance. Il manque de résistance. Dans certains cas, j'en ai acheté un objectif comme ça. Le sachant, la personne l'avait très bien dit. Puis en cherchant sur Internet, moi, j'avais trouvé que c'était juste tu défais avec des vis, puis tu resserres une certaine partie. Il ne faut pas que tu le fasses trop fort. Mais ça peut... Ça avait fait partie de la négociation. J'avais dit, ben regarde, c'est correct. Il dit, je vais un petit peu moins cher à cause de ça. Puis moi, ça faisait mon affaire. Ça, mais il faut le savoir. Mm-hmm. Absolument. Du côté de l'écran, ça, c'est important aussi parce que c'est à travers cet écran-là, la plupart du temps, qu'on va vérifier nos photos. Mm-hmm. Plutôt, c'est vraiment important. Vous pouvez détecter des pixels morts aussi dans l'écran. Bon, ça, ça peut vous déranger ou pas. Ça ne sera pas dans la photo. Mm-hmm. Les pixels morts que vous voyez dans l'écran, c'est juste pour vous. Ouais. Ça ne se retrouve pas dans la photo. Bon, évidemment, les cracks sur le plastique aussi, souvent, on le voit tout de suite. Si vous voyez une décoloration dans l'écran, c'est un signe qui, probablement que l'appareil a eu la vie dure. Là, mm-hmm. Parce que normalement, ça vit longtemps un écran LCD là, s'il n'y a pas eu de grand choc ou quelque chose comme ça. Ça pourrait avoir besoin d'un remplacement. Le viseur optique, ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne pense pas regarder à part quand on prend une photo normale. Mais des fois, on ne voit pas les petits détails. La même chose que j'ai dit pour l'objectif tantôt, vous allez vous mettre devant une source lumineuse très forte en enlevant l'objectif. Comme ça, vous allez observer seulement le viseur optique. Ça va être la même chose. Vous allez voir de la poussière apparaître, je vous garantis. Vous allez voir si vous pouvez la nettoyer ou pas. Okay. L'usure en général, un petit truc que vous pouvez toujours faire, c'est demander au vendeur qui vous montre des photos qu'il a prises avec l'appareil. Qui sait, peut-être que vous allez tomber sur un paquet de photos de plage. Tu sais, qu'il a pris des photos sur la plage. Bien, ça va vous donner un sacré indice que l'appareil était exposé au sable, au vent, l'air salin, tu sais, des trucs comme ça. Bon, tu sais... Il va peut-être vous fournir 2-3 photos, puis si vous voyez ça, ça ne veut pas dire qu'il a passé sa vie là. Mais bon, ça peut expliquer certaines choses. T'sais, si vous voyez, par exemple, sur le boîtier, il peut y avoir des dépôts, disons, blanchâtres. Bien, ça peut être du sel, ça peut être, tu sais, ou des mains mouillées dans l'eau avec du sel. Ça va incruster un peu dans l'espèce de petit caoutchouc, là, qui permet, c'est vrai, ça entre va laisser autres, comme du blanc un peu. Exactement. Un autre bon petit truc aussi, regardez les boutons. Comme le déclencheur, par exemple, s'ils sont un petit peu plus brillants que l'appareil d'origine. Pour vous aider, ben, vous allez sur Google, vous regardez l'appareil avec une photo neuve de l'appareil, si vous ne pouvez pas avoir une copie, évidemment, avec vous. Puis vous allez voir si le bouton il est un petit peu plus mât, quelque chose comme ça. Ça va être un indice qui a été beaucoup utilisé. Ouais, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas fonctionnel, mais ça vous donne un indice. C'est un peu comme une voiture usagée. Hein. Vous regardez le volant. Tu sais, c'est mât d'habitude quand c'est neuf, mais ça devient brillant là, à force de l'user. C'est qu'il y en a eu beaucoup. Oui, c'est ça. Ou la personne conduit les mains vraiment serrées sur le volant. Ouais. D'autres bons indicateurs d'usure, c'est la sangle de transport, puis le couvercle de l'objectif, parce que souvent, ça va être d'origine. T'sais, la personne va l'avoir depuis le début. Regardez l'état du couvercle, c'est scratché beaucoup, puis la sangle aussi. Fait que c'est une bonne façon de savoir s'il a été beaucoup utilisé. L'objectif, encore pour revenir, une autre affaire qu'on pourrait vérifier, c'est regarder s'il se connecte bien. Tu sais, voir quand on le connecte, voir s'il y a une petite résistance, si les connecteurs sont propres aussi. Puis dernièrement, ben, les accessoires qui viennent avec l'appareil. Souvent, le vendeur, ben, pas souvent, mais quelquefois, le vendeur va avoir gardé la boîte puis la documentation dans un bon état. C'est un bonus. Ben bon. Toujours intéressant. Oui, c'est toujours intéressant. Mais regardez aussi si les essentiels y sont. Je parle du chargeur de batterie, les couvercles d'objectifs. Des câbles de transfert vidéo. C'est des choses, des fois, que c'est des petits détails qui font que c'est vraiment une bonne affaire. Mm-hmm. Alors voilà, c'était mes conseils pour trouver un bon appareil usagé. Bon, ben merci. Et pour ceux qui voudraient nettoyer un capteur, si jamais vous achetez un appareil en vous disant, bon, peut-être que ça peut partir, ça semble être 2-3 poussières, rien de plus. On parlait du nettoyage de capteur à l'épisode 14. Ah. De mon côté, je vais vous présenter le test du Sony DSC-H300. C'est un bridge qui est équipé d'un zoom 35X. Donc, on parle d'une focale équivalente là, en format 35 mm de 25 à 875 mm. Hey boy! Juste et, ça? Ouais. Et bon, je publierai le lien de ma critique sur le blog de Best Buy. Là, j'ai publié des photos que j'ai prises. Donc, une photo avec la focale normale de 25 mm, puis une photo où c'est zoomé au maximum et vous allez voir, c'est vraiment incroyable. On voit au loin, là, on peut distinguer 2-3 pixels jaunes, là, puis zoomé au maximum, on voit bien que c'est une pancarte d'une traverse pour un parc. Wow, ouais. C'est incroyable la différence. Mais c'est énorme, là, à moins de prendre une photo comme ça en plein jour avec beaucoup de soleil, il risque d'avoir du flou là, de, à peine chances, de ouais. tremblement de vos mains parce que 875 mm, là, ouais. ça prend ouais, quelqu'un de très stable ou un trépied. Ou mais un bon. Sniper de l'armée. Oui, c'est ça. Oui, oui, on se rappellera. Là, oui, l'ami de Christian, d'ailleurs. Ouais. Oui! Et bon, les petites caractéristiques techniques, on s'entend, c'est un bridge qui va coûter sous les 300$. Donc, c'est pas un appareil haut de gamme, mais ça peut être un bon appareil pour commencer. Ben, y a une molette des modes. Le reste, c'est semi-automatique. Il n'y a pas vraiment de grande latitude, là, de grande flexibilité au niveau manuel. Mais on peut jouer un petit peu avec l'ouverture. On parle d'une ouverture maximale de F3 à F5.9. Et on a bon des modes scène. On a il y a 11 modes scène prédéfinis, plus un mode panorama. Il y a des effets de film sur les photos pour ceux qui aiment ça. On a la vidéo 720p à 30 images secondes, donc de base, parce que la plupart font de la vidéo 1080p. Mais comme je dis souvent, la vidéo 1080p, c'est lourd à transférer. Puis si vous avez... Mais... Tu sais, ça dépend du téléviseur que vous avez aussi. Oui, à moins d'avoir un 60 pouces et plus, 720p, ça passe bien même sur un 42 pouces. Même sur un 60 pouces. Ben, sincèrement, beaucoup de monde voit à peine la différence entre les deux. C'est ça. Ouais. Donc, c'est déjà mieux que la résolution qu'on avait autrefois sur les télés à tube. Hein? Donc, on s'entend. Puis on s'entend souvent, c'est le résultat, c'est pour le web. Là. C'est pour envoyer par email. Ben, c'est elle, ça, t'sais. À la famille. Ou c'est ça, présenter exactement. Comme ça, justement, dans le salon, rapidement. Ouais. Et, donc, enfin, ouais. ça fait le boulot de base. Il y a une très bonne poignée. Donc, l'appareil pour la main droite, là, il y a une poignée bien renfoncée. Sony a vraiment... J'aime la plupart de leurs appareils... À cause de la grippe, là, de la poignée, mm-hmm. pour la prise en main des appareils, on a vraiment l'impression que c'est impossible d'échapper cet appareil-là parce que c'est vraiment renfoncé vers l'intérieur. Là, donc, on le tient bien en main. Puis, on a un écran OCL de 3 pouces, donc 7,5 cm, qui affiche 460 000 points. Donc, c'est moyen. Là. Mais pour le prix, ça fait le boulot. Par contre, l'appareil n'est pas équipé d'un viseur, donc ni optique, ni électronique, ni numérique. Et moi, par réflexe, ça m'est arrivé pendant que je le testais, je me collais l'œil, puis là, oups, c'est le bout ouais. entier, il n'y a pas de viseur. Oups, ouais. C'est LCD seulement. Oui, c'est ça, donc il faut vraiment se fier à l'écran. Et en fait, il ne faut pas trop se fier à l'écran après quand on regarde ses photos, parce qu'à 460 000 points, on s'entend que c'est pas une résolution à tout casser. Là. Pour voir si les photos sont nettes ou sont floues. Là, c'est pas. C'est pas le. Comment je pourrais dire? Le Pérou. Disons. Sinon, un autre petit bémol. L'appareil fonctionne sur 4 piles AA. Donc ouais. Ça peut être utile en voyage, des trucs comme ça. C'est ça que j'allais dire. Ben, c'est ça. Tu peux toujours te dépanner. Oui, absolument. D'un autre côté... Tu sais, ta batterie est morte, ah, ben, ça se trouve des batteries double A. Oui, oui, c'est clair. Mais d'un autre côté, l'autonomie est assez ordinaire. Puis, ben, c'est toujours 4 piles, donc il faut toujours penser à traîner 8 piles avec soi si ouais, on n'a pas ouais. de chargeur. Ou en tout cas, il me semble que ça fait beaucoup de... Ouais, ouais, ouais. Juste pour un flash, là, quand j'utilise un flash, je traîne avec moi 4 piles dans le flash puis 4 piles à l'extérieur au cas. Puis je trouve ça complètement encombrant, donc... Puis ça, c'est occasionnel que j'utilise un flash. Là. Ouais, je ouais, m'en sers ouais. pas souvent. Donc, imagine quand c'est l'appareil, puis tu as toujours cette obligation-là de charger 8 piles AA à chaque fois. C'est un petit peu, enfin, ouais. question de goût. Par contre, bon, un avantage de cet appareil-là, un bon côté, c'est que la distance minimale de mise au point est très petite. Donc, on peut faire presque de la macro. Là, j'avais photographié ma calculatrice et puis on a vraiment un gros plan de la calculatrice. Là, vous pourrez le voir dans le petit test que j'avais fait sur Best Buy. Ben, écoutez, c'est comme je dis, pour le prix, c'est un. Si vous voulez voir si vous aimez le format d'un appareil réflexe, c'est plus petit un peu, évidemment. Mais si vous voulez un appareil qui zoome beaucoup, je ne sais pas, vous faites de la photo d'oiseaux ou d'animaux, des trucs comme ça, à l'extérieur, il n'y a aucun problème parce que vous allez pouvoir zoomer de façon incroyable. Là. Mais si vous songez à peut-être aller plus vers la photo, un appareil plus sérieux, si on veut, vous êtes mieux d'aller avec un réflexe d'entrée de gamme là, qui va coûter peut-être le double du prix, mais qui va vous en offrir vraiment plus. Beaucoup plus pour ton argent. C'est ça. Donc, voilà. Et maintenant, on va passer aux suggestions de la semaine. Christian, tu avais une suggestion que j'ai trouvée super intéressante et je m'en veux de ne pas y avoir pensé avant. Ah, ça arrive. Oui, j'ai trouvé un petit plan. En fait, c'est y a quelqu'un qui a posé la question, de nos amis qui a posé la question. Ben oui, Rémi Saint-Onge. Exactement, qui est également quelqu'un qui est venu il y a quelques épisodes. Ben, pas mal, là, mais... Ben, l'année dernière, c'est ça. Au moins un an, je pense. Il demandait la question, où est-ce qu'on peut sauvegarder nos photos à des prix qui sont respectables, entendons-nous? Parce que, oui, on peut avoir par Google, par... Dropbox, par... tout ça, mais c'est des prix qui sont pas toujours super attrayants. Là. Disons que ça peut coûter cher par année. Les trucs comme Flickr qui offre 1 teraoctet, ben, c'est pour les photos de JPEG. Tu n'as pas un backup de tes fichiers RAW ou d'autres types de fichiers, parce que tant qu'à faire un backup, ça peut être intéressant d'avoir des documents. Copie de... tous les documents et fichiers importants. Puis, je me rappelle plus qui a donné comme suggestion CrashPlan, que je ne connaissais pas du tout. Puis, je suis allé voir parce que, bon, j'étais intrigué. Et j'avoue que je suis moi-même assez intéressé parce qu'on parle de... c'est illimité pour l'espace. Ça, déjà, en partant, là, tu fais OK, mais tu sais, ça doit être cher. Non, vraiment pas tant que ça. C'est 5$ par mois sur un an. Vous décidez de payer sur 2 ans, c'est 4,79$ par mois. Et même si vous voulez jusqu'à 4 ans, c'est même 3,96. Fait que plus vous prenez, mais là, évidemment, ben, si c'est un engagement, j'imagine qu'on paye d'un coup. Ben, regardez, exemple, si on paye pour les 4 ans, c'est 189$ pour 4 ans. Comparé avec qu'est-ce que Google Dropbox offre, c'est rien, là. 189$ pour 4 ans, là. C'est vraiment rien. Mais moi, je conseillerais aux gens, premièrement, de l'essayer de façon mensuelle, quitte à l'essayer pendant 4 mois ou 6 mois, c'est pas la fin du monde. C'est 5,99 mensuel, là, quand on s'engage pas pour un an, ce qui est, encore une fois, même pas si pire que ça. Non, là. C'est pas cher. Et il y a aussi un mode où, si vous le voulez, vous pouvez storer vos informations sur l'ordinateur de quelqu'un que vous connaissez. Encrypté. Mm-hmm. Ça peut être intéressant, ça, avec. Bon. Ben, parce que c'est encrypté, justement, parce que c'est chiffré. Parce que c'est chiffré. Ben, c'est pas un, une encryption 128 bits. C'est quand même pas si mal. Là, bon, il faut faire confiance à la personne, là, mais c'est pas. Ben, c'est ça, là, si elle se met à essayer de déchiffrer les fichiers. Exact. Là, mais moi, je me vois. Non, mais moi, je me vois, mettons, faire une solution comme ça avec ma belle-mère ou ma mère ou quelque chose comme ça. Absolument. J'entrevois pas de problème de ce côté-là. C'est pas eux autres qui vont être capables de décrypter ça. Là. Ben, non, c'est ça. Ou des amis de confiance. Justement. Ça peut... Mais je te fais pas confiance, Steph. Essaye pas. Pas de problème. Remarque, non, c'est vrai, je te fais confiance. Tu as tout à fait l'espace pour. Hein? Toi, c'est dommage, non? Tu as dit que tu me faisais pas confiance. J'avais encore 10 terabytes de libre pour toi. Oh my God. Je suis même pas sûr que j'ai 1 terabyte de données. Ouais, non, j'ai plus que ça. Mais quand même. Ben, merci pour la suggestion. François, toi, de ton côté. De mon côté, je vous parle d'une imprimante de Fujifilm, la Instax SP1. C'est un petit peu en lien avec un de mes derniers sujets de l'épisode 53 où je parlais de la tendance de certaines personnes à vouloir revenir à la photo imprimée. C'est un petit projet que je parlais qui s'appelle TriFlag, qui permettait d'avoir des photos imprimées de ces photos Instagram. Donc, Fujifilm est là-dedans aussi. Il nous propose une petite imprimante portative. Donc, imaginez un peu un appareil Polaroid, mais juste le côté imprimante est à part, puis ça se connecte directement sur votre appareil téléphonique. Mm-hmm. Donc, aussitôt que vous faites votre photo, Facebook, Instagram, tout ça, pouf, on peut l'imprimer sur place. Si c'est dans un événement ou quelque chose comme ça, ben, on peut se mettre à distribuer des photos comme ça. Bon, il y a toutes sortes de façons qu'on peut s'amuser avec ça. Oh, c'est vraiment un gadget, là. Oh, on s'entend, ça ne va pas révolutionner. Sauf que ça peut faire jaser. C'est vraiment cool, je trouve, comme concept. C'est pas nouveau, là, mais c'est juste leur version à eux de Fujifilm. Ça fonctionne sur iOS ou Android. Ça imprime sur du film Instax Mini ISO. Ça, c'est le nom de leur film. Mm-hmm. Mais c'est carrément là, la même façon de faire que Polaroid. C'est des produits chimiques qui se mélangent avec l'impression. Mais ils ne pouvaient pas le nommer du même nom à cause évidemment. Des brevets et des marques de commerce. Ce qui est cool, c'est que ça imprime le format de ce film-là. C'est de 1.8 par 2.4 pouces. Donc, c'est un format carte d'affaires. Ah. Fait que c'est tout petit. Ça se transporte très bien. Et puis, ça prend une trentaine de secondes pour que la photo apparaisse une fois que le film sort de l'appareil. Mm-hmm. Ça commence à apparaître après 30 secondes. Puis, 3 minutes, elle est entièrement développée. OK. Environ. La connexion se fait par Wi-Fi entre l'appareil et le téléphone intelligent. Si on veut, en option, on peut surimprimer la date, l'heure, même la location GPS et les conditions météo. J'imagine qu'ils se connectent à un serveur pour ça. Ça fonctionne avec deux batteries CR2, tu sais, le type de batterie qu'on a dans des montres ou la batterie du motherboard, là, de la carte mère de votre ordi. C'est pour ceux qui ont déjà vu la carte mère de leur ordi, il y a une batterie. Ouais, parfois, c'est pas écrit CR2032, quelque chose comme ça. Oui, 2032. C'est ça. Exactement. Okay. Bon, j'en ai acheté la semaine dernière. Ah bon, mais voilà. Le coût de ça, c'est, par photo, c'est environ 70 sous. Donc, bon, tu sais, c'est un petit gadget qui peut coûter... Ben, c'est pas si mal pour s'amuser ou pour certains besoins précis. Vu que c'est deux batteries, CR2032, ça va donner à peu près 60 photos. Donc, ça peut arriver... Il faut calculer ça aussi parce que ces batteries-là sont pas nécessairement données, ces petites batteries-là. Ouais. On peut acheter ça dans les dollars. Partout. Un paquet de 3 ou 4. Partout où ils vendent des batteries, vous allez retrouver cette batterie-là, elle est super populaire. Le prix de l'appareil, c'est 199$. Okay. C'est vraiment tout près des appareils mini que Fujifilm a déjà sortis. Attends, c'est quoi le nom déjà? Oui, on avait fait l'Instax Mini. Mm-hmm. C'est ça, exactement. C'est l'Instax Mini. Donc, c'est tout près du prix de ces appareils-là. Donc, il faut voir qu'est-ce qu'on préfère. L'avantage, c'est qu'on peut retoucher ces photos avant de les imprimer. Mm-hmm. Dans Instagram, dans Facebook, on peut faire des petits looks Instagram. Oui, puis entre vous et moi, là, l'Instax Mini, l'appareil, on avait de la difficulté à faire la mise au point de près parce que le viseur n'était pas aligné avec le... Ah oui, c'est vrai. mais bon, tu vois, c'est un autre avantage à utiliser son appareil photo, c'est qu'on le connaît bien sur son téléphone intelligent. Puis l'imprimante va donner ce résultat-là. Donc, c'est vraiment un gadget à ce prix-là. Ou encore mieux, tu utilises ton appareil photo, tu transfères à ton téléphone intelligent qui transfère à l'imprimante. Mm-hmm. Pourquoi pas? Moi, avec mon Sony, maintenant, mon A7, là, je prends des photos, j'ai une fonction transférer toutes les images de cette date. Paf, c'est parti, j'en ai pour peut-être 2 minutes, je transfère 30 photos. Puis là, ben, je peux faire ce que je veux avec. Et c'est après ça, ben, tu te sers de ton téléphone. Super. Mm. Alors voilà, c'était le petit gadget du jour. Good. De mon côté, moi, c'est une application qui s'appelle Dropbox Carousel parce que Dropbox a fait l'acquisition d'une entreprise qui s'appelle Loom et qui venait tout juste de lancer une application destinée à la gestion de photos. Ben, gestion, partage surtout. Donc, le Carousel, c'est une application disponible sur iOS et Android. Puis, ça permet d'accéder, bon, évidemment, à vos photos sur votre appareil et qui vont être présentes sur votre compte Dropbox. Donc, vous transférez les photos de votre photothèque dans Dropbox et puis à partir de là, vous pouvez décider de partager vos photos, avec qui vous les partagez, si vous voulez ajouter des commentaires. Puis, les gens qui veulent partager des photos avec vous peuvent le faire. Donc, si jamais vous allez à une fête ensemble, des trucs comme ça, un événement, bien là, on peut s'envoyer les photos qu'on a prises l'un et l'autre pour regrouper tout ça dans un même Dropbox ou dans le Dropbox de chacun, finalement. Sympathique. Ça peut être utile, ça peut être sympathique, justement. C'est pas une application, évidemment, qui va être utile pour les photographes. Je penserais pas, là, les photographes plus sérieux, quoi que ce soit. Ben, le problème, c'est que Dropbox, contrairement à d'autres services... Je dis ça de même, ça peut être pratique pour un photographe professionnel qui veut faire visionner des photos avant de faire une version finale pour son client. Oui. Il peut décider de dire, tiens, voici des images basse résolution, disons à 50K la photo, tu sais, puis avec son watermark dessus. Mais à ce moment-là, il faut que tu les aies traités et remis dans ton téléphone pour ensuite les mettre dans ton Dropbox, parce que c'est ça, l'affaire, c'est que c'est géré à partir d'un téléphone iOS ou Android, et ce sont les photos qui se trouvent dans ton compte Dropbox. Donc, pour faire ce genre de truc-là, oui, c'est faisable et ça serait une bonne idée, mais il y a de la manipulation à faire. Mm-hmm. Alors que si tu dis, ben, les photos que je prends avec mon appareil mobile, là, elles se retrouvent automatiquement dans le Dropbox et là, je peux décider de les partager automatiquement. Ça se fait un peu de façon un peu plus fluide. Ouais, mais oui, ça se ferait probablement très bien, là, ce genre de truc-là. Donc, ben, c'est ça. Évidemment, l'application est gratuite et on va voir si ce type d'application va fonctionner un peu plus que le partage d'albums photos que c'est Facebook, je pense, qui avait lancé ça il y a... En tout cas, moi, j'ai été voir ça parce que, bon, j'ai pas eu l'occasion de m'en servir, mais... Moi non plus. C'est, sensiblement la même chose que Facebook a, Il y a un nom, d'ailleurs, je ne sais pas c'est quoi le nom qu'ils ont donné. Oui, je me souviens. Quelque chose. Facebook, ouais, c'est ça. Quelque chose. C'est spécifique, là, mais... Enfin, et on va conclure l'épisode là-dessus. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, commentaires et suggestions. D'ailleurs, peut-être pas au prochain épisode, mais en tout cas, dans un épisode très prochain, on va répondre à au moins une question, sinon deux, parce qu'on en a en banque, mais là, avec la quantité de sujets qu'on avait mis dans la planification, ben ça rentrait plus. Donc, continuez de nous envoyer vos questions. On va pouvoir répondre à plusieurs d'entre elles au cours des prochains épisodes. Et pour nous rejoindre, évidemment, vous nous écrivez à podcast@objectifnumérique.com. N'oubliez pas de vous joindre à nous dans le groupe Google+, photographe amateur au pluriel. On a passé les, je crois, 1400... membres, ça monte toujours, c'est incroyable. Et il y a des gens passionnés là-dedans. Il y a des gens qui partagent 8 à 10 photos par jour. Ça va vite. Mais c'est intéressant parce que il y a des gens de vraiment tous les styles. Il y en a qui vont rajouter des pensées poétiques avec leurs photos. Il y en a que c'est vraiment pour avoir de la critique. Il y a des bons photographes macro, etc. Donc, très intéressant. Si vous voulez... ne serait-ce que vous rincez l'œil un peu pour voir des photos d'un peu tout le monde. Et n'oubliez pas de participer au défi photo numéro 15 qui porte sur la nourriture. Donc, envoyez-nous vos photos à défiphoto@objectifnumérique.com. Au prochain épisode, on va vous donner des raisons d'utiliser la lumière naturelle et on va faire un petit comparatif entre le Canon T5 et le T5i. Une petite lettre de différence, mais... qui en cache beaucoup derrière. Alors, merci beaucoup, chers auditeurs. Merci, Christian. Toujours un plaisir, Stéphane. Merci, François. Merci. Et d'ici là, mesdames, messieurs, à vos déclencheurs.